essaye de la recaler un peu. Hey Johnny, Hallyday. Attends. Thank you. C'est mieux là? Ah, ça a l'air mieux là. Part sur le 1. Repartez sur le 1. Ah non, on n'est pas sur le 1. 2, 3, 4. J'arrive pas à me caler. Ah, moi je suis calé sur le tempo, je comprends pas si je parle. 2, 3, 4. Ah ouais, parce que c'est parti sur 2, je crois, c'est bon. Ah, c'est si calé là. 2, 3, 4. Ah, c'est bizarre. Putain, moi j'ai un décalage chez moi. Ou alors c'est moi qui ai merdé, quoi. 3, 4. Ah non, c'est moi qui suis décalé en fait. C'est moi qui suis décalé. Est-ce que je suis calé ou pas là? That's the way all the honor will hang away. The woman's sake. Bluesy. Mr. Bluesy. Mesdames et messieurs, tout droit de l'Amérique, Marinara à la guitare. Et la Russie avec Yannick. Et la Pologne avec Johnny. Allez Yannick, je veux entendre vos guitares les gars. Je veux entendre la guitare. from the peace. C'est bon? I want the peace for the world tomorrow. I want the peace for the world tomorrow. I want the peace for the world tomorrow. I want Chorus. Pour des paroles, I'm looking for lyric. It's a strange world, I don't understand why these people do their war. I want to live in harmony with my friends everywhere in the world. I see the way. I want the peace for the world tomorrow. I want the peace for the world tomorrow. Okay. Bonne soirée. Et j'espère que on aura la paix. Come on, Johnny, sing a song. I want to go. Je dois partir. C'est sympa, Marie, Nara, Yannick, Johnny. Bravo. Bye bye. Nice moment. Nice song, nice guitar song. à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Thank you.